enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kind of quiet and shy, but if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John. Big John. Big John, Big Bad John. Big John. Then came the day at the bottom of the mine when the timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast. Everybody thought that they'd breathe the last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well. Grabbed a sagging timber, gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone. Big John. Big John. Big John. Big Bad John. Big John. With all his strength, he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above!" And 20 men scrambled from a would-be grave. Now there's only one left down there to save, Big John. With jacks and timbers, they started back down. Then came that rumble way down on the ground. And the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John. Big John. Big John, Big Bad John. Big John. Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand: at the bottom of this mine lies a big, big man, Big John. Big John, Big John. Big Bad John. Big John. Et tout s'allume, loin des passions comme une brume. Elle m'enveloppe dans son halo, comme une salope et son idiot. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau. Une télé. Sans image et sans bruit, que c'est beau une télé. Comme une clarté, que c'est beau, que c'est beau. Une télé. Sans image et sans bruit,

que c'est beau, que c'est beau. Et télé, sans image et sans bruit. Que c'est beau, une télé, comme une clame. Et que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Mais là, vous n'êtes pas à la télévision, madame. C'est une radio animée. Donc, c'est plus intéressant que votre TV. Madame Thibodeau, restez simple. Sans être simplette. Quand même. Question de pourvoir. La neige, c'est ton visage. L'eau, c'est ton corps de poésie. Répondis à la nuit. Répondis que c'est beau d'essayer. Questionne pour voir. La neige, c'est ton visage. L'eau, c'est ton corps de poésie. Réponds à la nuit. En la mer, ton désir. Quelle musique t'habite? Quelle musique t'habite? Mais moi, j'habite à la troisième note du fa mineur. Le fa mineur, non. Mais c'est une nouvelle note, le fa mineur. En fait, elle te promène dans ta vie jusqu'à ta mort. C'est pas comme la chanson. Oh, ma belle promeneuse, pense à moi quand tu iras. Je suis toujours à la même place, au milieu du centre. Non, c'est pas ça promène. Ah, t'as frappé un nœud, bien ça. Écoute, si on additionne dans notre existence, si on commence à zéro puis on se rend jusqu'à, je sais pas, là, 2016, aujourd'hui, on meurt à quel âge? L'âge 85-90. Hein? La longévité, malheureusement, s'étire. C'est comme la tire de... Oui, c'est tire, mais je voulais pas dire tire, mais c'est en plein ça, madame. La tire de vieille fille. Sainte-Catherine, priez pour elle, pour ses flambeaux et ses enfants. C'est pas parce que tu es une vieille fille que tu n'as jamais fait d'enfant. Bon. Question de pouvoir. La neige, c'est ton visage. L'eau, c'est ton corps de poésie. Réponds à la nuit. En la mer, ton désir. Quelle musique t'habite? On était rendu là, t'habite, hein? T'habite. Quelle maison t'habite? Quelle maison t'habite, hein? En disant ça, le trois quarts de la population et la majorité des membres de CKRL ont compris le pas de TV, mais quelle image, hein? Qu'est-ce qui t'habite? On arrête. En plus, heureusement qu'on n'ait plus filmé. On a arrêté caméra, mais on va vous dire pourquoi. C'est très simple. On nous classait dans 50 ans et plus. 50 ans et plus, là, on n'entend plus à rire. On n'entend plus. On a écouté de la musique toute notre vie au 10. Comment c'est le vélo moteur? C'est pas la puissance du son, c'est pas du vélo moteur, ça. C'est du moteur, effectivement. Mais là, l'oreille n'entend plus. Et quand l'oreille n'arrive plus à capter des ondes sonores, est-ce que... Là, je me questionne là-dedans, là. Dans le discours, je patauge. Comme il y a quelques semaines. Ah, dans le punch. Ah, j'ai pataugé. On a fait un punch géant dans une piscine. Intérieure, bien sûr. Puis, il fallait, bien sûr, ça, on va arrêter de bien sûr, mais il fallait vérifier si tout était selon la norme, quand même la grande norme de ces cohérents, c'est-à-dire est-ce que c'est à la mesure de notre démesure? Et Rance canadienne, c'est la démesure. Il y a des émissions beaucoup plus sages toute la semaine et surtout le dimanche. On se fait enchanter l'oreille avec une route qui n'en finit plus de nous éblouir par l'intelligence de ces animateurs. Tout le monde sait que c'est mon émission préférée, là. Les routes enchantées. Bonjour les amis. Ils sont ici. Bonjour les amis. Questionne pour voir. La neige, c'est ton visage. L'eau, c'est ton corps de poésie. Réponds à la nuit. En la mer, ton désir. Quelle musique t'habite? La musique intérieure parle de ton. Moi, ça dépend. Le jour, le matin, le soir, la nuit, la mélodie peut dissonner, peut se modifier, peut suivre le mouvement de la vague intérieure. Ça, c'est inventé, là. On appelle ça quand c'est de l'improvisation. Mais je crois pas que mon auteur, Anne Hébert, dans son recueil, dans son passage, le lapidaire, aimerait bien que je m'éloigne comme ça puis que je revienne plus. Revenez, hein? C'est l'imaginaire, on sait pas si c'est ça l'intérêt. On ne sait pas jusqu'où on va, puis on ne sait pas si, comme le boomerang ou comme l'élastique, on va rentrer à l'intérieur de notre corps. Un corps de même, tu vas revenir rapidement. Hein? Où tu habites, enlève ça. Pardon. Ouais, je ne sais pas ce que je fais comme d'habitude. Comme, non, on ne le fait pas. Réponds à la nuit, en la mer, ton désir. Ah, là, vous voulez l'entendre intégralement sans que je dérape. Bon. Non, mais c'est... Oups, j'ai une descente de deux crans. C'est pas mon émission, mais mon bain, j'ai pesé sa petite pitoune dans... Putain, mon dos. J'ai mon cheveu qui galope encore. Mais c'est pas galopé, ça. Oui, c'est galopé. Alors, intégralement, et après, je délirerai. Quoi, c'est fait depuis 25 minutes, là. Non, 17 minutes et 53. C'est dissimé. C'est très dissimé. Timé! Timé, est-ce qu'on dissime? Ben, c'est... Ben oui, on avait demandé à Georgette si... OK. Ben madame, vous êtes rapide sur le OK, hein? OK. Ben oui, hein, c'est ça? Allô? Ouais. Ouais, OK. Ouais. Ben oui. Allez. Ouais. Ben voyons donc. Questionne pour ton... pardon, oui. Questionne pour voir. La neige, c'est ton visage. Voyons donc, sois sérieux. Le lapidaire. Extrait de Jour d'atelier. Anne Hébert. Questionne pour voir. La neige, c'est ton visage. L'eau, c'est ton corps de poésie. Réponds à la nuit. En la mer, ton désir. Quelle musique t'habite? Regarde devant toi. La lumière te précède. Le poème te traverse. Te traverse. Traverser sans regarder à droite ou à gauche, là est la question. Se faire happer ou se faire frapper, bien, c'est un choix. Puis souvent, madame, on est pris dans notre monde. Hein. Nous vivons plusieurs chambardements, des chaos intérieurs, des chaos extérieurs. On est des êtres cognitifs. Il ne faut surtout pas l'oublier. Bon, en étant pris à travers tout ça, en haut, en bas, il y a les extras, les intras, il y a les trop nombreux. Ceux-là, les trop curieux. Puis là, vous allez me dire, on n'est jamais trop curieux. C'est peut-être vrai dans certaines situations. Mais quand on commence là, tranquillement à rentrer dans ta vie, pour moi, là, dans l'existence, il y a plusieurs vies. Bon, il y a la vie familiale, statue, même chose. Vie familiale. Mais moi, ma statue n'est pas de ciel. Non, je vais arrêter là. Statue familiale, professionnel, amoureux, sentimental. Parce qu'amoureux, sentimental, vous allez dire, ouais, moi, c'est peut-être la même. Quoique, amical aussi. On n'est pas avec notre amie Chloé, aussi intimiste qu'avec Gaétane Brisebois. La petite Gaétane, là, qui aime bien se faire dire « Oh, c'est tellement beau ce que tu portes. »« Ah oui, c'est du Rodin 72. » Ben, en fait, j'ai jamais acheté mes anciens vêtements. J'ai visité les Champs-Élysées. Voyons donc, à Paris, les Champs-Élysées. Puis on m'a dit « Ne jetez pas vos fringues. » Fringues. « Ne jetez pas vos fringues. » Mais le frig, je le connais pas, moi, là. Si je veux le jeter, moi, là, je l'ai même pas encore appelé. Fait que, tu sais, moi, mon cellulaire est intelligent, tellement intelligent, ce cellulaire-là, que je sais même pas si je dois répondre, sinon il va me dépasser, là, tu sais. Fait que Frank, je suis allé voir Frankie Brisebois, le collectionneur de cœurs anciens, là. Il y a le cœur du frère André. Il y a le cœur de Fred le Gatariche. Mais c'est pas dans le formol. Non, il prélève uniquement les autosomes. Bon, vous connaissez pas ça, les autosomes. Vous êtes pas, bien sûr, comme la majorité. Vous n'êtes pas des chirurgiens. Vous n'avez pas de connaissances en science. La science nous dépasse souvent, là. La science influge. On la connaît, cette fiancée. Hein? Cette fiancée du savoir. Désespoir. À trop connaître, on devient fou. Là, restons simplistes et heureux. Avec le sourire, ça va bien. Ah oui. Et moi, là, à t'observer, je sais que tu es minimaliste. Ouais, je suis minimaliste, c'est bon. Du minimaliste, hein, oui. Ça s'entend également. Hein? Les gens qui écoutent la radio, il y en a de plus en plus. J'espère qu'ils vont se libérer de leur TV, comme disait Arthur, lui, c'est pas ça. Son concept, là, c'est que c'est beau une télé. Et cette chanson-là a été présentée à un moment donné dans une soirée intellectuelle où Arthur faisait sa chanson au piano. Puis là, il est parti. Que c'est beau une télé. Ouais. Puis là, ils ont commencé à fréquenter le sentier de la philosophie et de la psychologie. En demandant à Arthur, qui est un poète, là, qu'est-ce qui en... Quel message se renfermait à travers ce texte? Bien, selon moi, là, je suis pas Arthur, là, mais selon moi, il n'y a aucun texte qui renferme. Le texte libère. Libère des idées, libère des métaphores, libère des structures d'images que vous pouvez vous faire à travers un mot, une phrase ou votre passé. L'acquis est très important. C'est acquis, l'acquis. Pas beaucoup de personnes qui savent. Hein? C'est acquis, l'acquis? C'est à chacun d'entre nous. Hein? On n'a pas le même acquis. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si tu n'as pas le même acquis que l'autre, est-ce que tu dois accepter celui qu'on te propose? C'est intéressant, ça, là. Philosophiquement parlant, là, on peut faire des recherches puis travailler là-dessus, sur ce thème-là. C'est pas donné à tout le monde. Puis encore là, on ne veut pas le donner à tout le monde. C'est rien. La recherche de... Non pas du savoir, mais la recherche intérieure, ça s'apprend pas. Tu peux méditer là, tranquillement hein, ou même rapidement. Je ne sais pas si on peut méditer rapidement. C'est important de savoir ça. Là. On va... Est-ce qu'on peut méditer? Ben vous, je ne sais pas. Là. Rapidement? C'est ça. Hein? Essayez de trouver des analogies de l'existence, des fragmentations du passé qui peuvent se joindre au futur et peut-être même au présent, hein? C'est, hein? Ouais, ça va loin, hein? Ouais. Petit train va loin. Ouais. Chou, chou, chou, chou. Ouais. Ouais. Ce que j'aime, moi, là, c'est l'être pensant. Pas comme, comment il s'appelle, Godin. Roger Godin, c'est lui qui... Non, c'est Auguste Rodin. Okay, ben, moi, quand je suis allé au champ léger, voyons donc, c'était léger, là. C'est très léger, c'est quand même un plancher qui te laisse aller dans l'imaginaire. Mais quand tu y vois, c'est très décevant, les champs léger. Il y a des, chez nous, on appelle ça des seins-nœuds. Il y a beaucoup de seins-nœuds. Au champ de l'été, on dit c'est la bourgeoisie, les bobos. Oui, moi, je suis tombé trois fois par terre, moi, au champ de l'Élysée. Je suis tombé sur le monde. Le monde, ils sont jonchés à droite puis à gauche. Mais tu dis, voyons donc, c'est pas en banlieue que ça se passe, ça, là. C'est en plein champ de l'Élysée. J'ai jamais été sensibilisé par ça, moi, là. Voyons donc, moi, la misère, je regarde ça à TV, Oxfam Bedeck. Bon. Hein? UNIPEF, donner de l'argent à UNIPEF pour engraisser monsieur Pepef qui est en haut avec sa cravate. Il faut aider la misère, monsieur Pepef, je suis monsieur Pepef. Là. En Amazonie du Sud, en Amazonie du Nord, partout, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, ben oui, j'ai cochonné ma cravate. Oui, j'ai mangé, effectivement. La chose de spaghetti au grand restaurant de Gaétan Brisebois. Gaétan photographe et amateur aussi de sauce de spaghetti. Elle s'est ouverte un petit restaurant dans lequel elle présente sa sauce dans tous ses états, photographiée avant, après, pendant, puis dans un malaxage assez inusité. Je peux pas vous le décrire, il faut aller la voir. Ça peut se voir, ça peut se goûter, ça peut se comprendre. Puis ça peut s'apprécier, puis ça peut se ramener à la maison. Elle fait des typos avec ça, des typos de « Ah, mon Dieu, des pots d'espoir ». Tu ouvres ça, là, pouf, l'espoir t'explose. Ah! Moi, j'en ai acheté des galons d'espoir. Ça va être une dure année pour moi, 2016, déjà 2015, puis rétrograde. Plus tu te dégrades, puis plus t'en rames un coup, là. J'ai pas hâte de me voir ensemble, là. Au début, hein, quand même, t'as le corps, le sang, tout va bien, puis tranquillement, quand il reste juste du sang. Ben, lorsqu'il y a des cendres, on descend en bas, on peut pas être plus bas que le bas, hein? Avez-vous aimé mon... Devant les gens déprimés, là, on leur offre d'habiter au sous-sol, pas au 10e étage. Oh, il y a un beau sol pour vous. C'est quand même assez éclairé, là. Ah oui, il y a de la lumière qui vient de partout. Puis même si ça vient pas de l'extérieur, on a mis des torches. Des belles grosses torches qui t'allument, là. Ah, mais y a-tu de la torche qui nous allume pas? Moi, selon moi, là, toutes les torches m'allument. Plus t'es torches, plus tu m'allumes. Je sais pas si c'est vrai l'affaire de la quenouille, là. Je sais pas, là. Je réfléchis à ça à haute voix avec Gaétan. Gaétan, la quenouille. Oui. Vous connaissez ça, la quenouille, vous? Hein? Oui. Ben oui. C'était dans les c'est des roseaux. Oui. Est-ce qu'une quenouille est un roseau? Oui. Ben non. Un roseau, c'est une rose, selon moi. Puis une quenouille, ben, c'est une quenouille. Oui. Quenouille, tu prendras en feu si je t'asperge et je t'allume. Oui. Oui. Ça te rappelle le samedi soir, toi, hein? Ouais. Oh, t'as pas allumé, toi. Ouais. Ouais, t'allumes pas souvent. Ouais. Non, mais en fait, ça me déçoit pas, hein? Ouais. Ben, non, ça me déçoit pas parce que... OK. Ouais, mais vous... Allô? OK. Ben, OK, ça vous déçoit, vous aussi, un peu, là? OK. Bon, OK. Sinon, je vais m'envelopper en deuxième Amazon et je risque de m'envoler comme le papillon de... d'euphorie. Connaissez-vous ça, le papillon d'euphorie? Les grands amateurs d'insecticides là, font des recherches là-dessus. Là. Ils punaisent leur papillon au vol. Moi, j'ai de la misère à attraper ça dans un lasso de papillonneau. Comment ça s'appelle ça? C'est pas un lasso, c'est un filet. Un contrefilet, ah mon, ou pas trop cuit, moi. Oh, faut que ça fonde. Là. Faut que je chante le bœuf qui souffle. J'ai tellement souffert dans ma vie. Hein? Ouais, c'est pas normal. Vous croyez que je suis cannibale? Rénal de cannibale. Bon, ben écoutez, un autre titre. Tant mieux. Si on peut m'allouer tellement de titres avant la fin de la péripétie. Péripétie. Pas la même chose, ça, là. Confond. Ben. OK. Mais. Oui. Moi, c'est la. Ben, voyons donc, j'ai. Péripétie. Oui, c'est ça. OK. Bon. Ouais. Non, mais vous êtes comme ça, hein? Quand on vous confronte, vous quittez. Mais quand même, on a le choix. Non, vous avez raison parce qu'on a le choix, puis je sens aussi que je répète souvent les mots depuis le début de l'émission. Depuis le début. Pas juste de l'émission. De ma vie. Bon. Écoutez, j'espère qu'à la fin, je vais dire, hey, m'en va. Ah, m'en va. Ah, m'en va. Ah, m'en va. Un cocon est parti en voyage. Il avait un jour son voyage. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante franco. Moi, plus indépendant que ça, là, je sonne même pas à la porte, je sais qu'il va même pas ouvrir. Il n'osera jamais ouvrir, c'est un indépendant. Pas un indépendantiste, un indépendant, pour ne pas dire un misanthrope. Ami misanthrope, bonsoir. Bienvenue à la douce rénalité. À l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission? Puis là, vous l'avez senti, hein? J'espère. Si on ne se rend pas. C'est, hein? On ne se rend pas au deuxième quart, troisième. La prise du jumeau. La prise qui ne pardonne pas, qui dédouble. La, attention, c'est la prise du jumeau du troisième quart. Gaétan Montreuil avec Rénal brise le bois, mange le filet. Il est ici au milieu de trois papillons de nuit qui cherchent le jour. Oh, jusqu'où allons-nous voir cette horreur radiophonique? L'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant Gagné. Nous sommes le 12 février, le saviez-vous, madame? Aujourd'hui, le vendredi 12 février, les errances rénadiennes vous proposent, comme à l'habitude, comme à son habitude, une dérapante route afin d'abandonner pour quelques minutes nos valises trop lourdes qui souvent nous ralentissent dans notre quotidien. Alors cette nuit, tentons d'oublier notre boulot, nos études, nos problèmes familiaux pour entrer dans l'univers de mon invité qui est Gilbert Lafaille. Gilbert, je l'ai rencontré avant Éric Vincent. Après Éric Vincent. C'est deux grands amis que j'ai fait rencontrer un après-midi très chaud et humide sur la rue des Abbesses. Gilbert Lafaille est né à Paris, d'origine ariégeoise, du côté paternel. Il fait des études de lettres moderne à l'Université de Nanterre. Il commence sa carrière d'auteur-compositeur-interprète en présentant ses premières chansons au cabaret chez Georges. Gilbert Lafaille se produit au Printemps de Bourges en 78 et tout le reste, ben, grâce... Ben, c'est ça, ben, voilà. Ben, vous m'arrachez les mots de la bouche. De la chibouche. La petite mouche, non, moi, c'est la petite mouche noire, là. Celle qui... Non, pas celle qui éclaire, parce qu'elle va être beaucoup plus brillante que moi. Attention, vous, là hey, je connais ça, moi, ces affaires-là, les moustiques, les tiques, les pics, les bons. Les neutrophiles, là, voyons d'or, vous.

Il reste encore des ours et de l'eau dans les sources pour les cerfs et les biches. Des chemins buissonniers et de vieux châtaigniers où les oiseaux se nichent. Qu'il y ait des caribous, des renards et des loups cachés dans la nuit noire. Des forêts de légendes et des champs de lavande au fond de ta mémoire. Que tu apprennes à vivre dans la blancheur du givre ou les feux de broussailles. Et pas dans ces prisons qui n'ont pour horizon qu'un tissu de grisaille. Que tu vois des pis verts, de la neige en hiver et des matins bleutés. Des sapins de ton âge et des torrents d'images courir en liberté. Que tu puisses à ton tour te souvenir un jour d'une enfance au soleil, d'une odeur de jasmin, d'un poussin dans la main ou d'un essaim d'abeille. Que l'on te laisse un monde où les pommes sont rondes et les raisins dorés. Qu'il reste sur la terre des hiboux solitaires et des merles moqueurs. Quelques vieux hérissons pour écrire des chansons qui chantent au fond du cœur. Que tu vois de tes yeux des galets merveilleux jouer dans la lumière. Des ruisseaux de diamants et des saumons d'argent remonter les rivières. Que tu puisses à ton tour te souvenir un jour d'une enfance au soleil, d'une odeur de jasmin, d'un poussin dans la main ou d'un essaim d'abeille. Que tu puisses à ton tour te souvenir un jour d'une caresse légère, d'une alouette affolée ou d'un baiser volé sur un lit de fougère. La plupart des gens ont compris et que c'était salutaire parce que je suis enroué en ce moment, excuse-moi. C'est très très bien pour la radio. Et bon, alors donc, c'était salutaire parce que ça exagérait quand même. Et puis en plus qu'on n'était pas de la génération de nos parents qui avaient connu la guerre ou qui avaient connu les camps ou qui avaient connu des choses vraiment, vraiment épouvantable, ou quelqu'un comme Francis Lemarque soit engagé. Moi, j'ai chapeau bas, monsieur Lemarque, j'ai rien à dire, respect total, et quelques autres, ou Marianne Oswald, et quelques autres. Mais là, dans ces années 68, bien douillette en France, il fallait quand même un peu garder la mesure. Vous avez une formation de lettres modernes, et vous avez même été professeur. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce côté professoral? Ben moi, j'ai bien aimé parce que j'aimais bien lire, j'aimais bien écrire. Et enseigner. Oui, je me destinais à ça, mais ça marchait assez bien. Mais ce que j'aimais moins, c'était les parents, c'était l'institution. Tu dois rencontrer les parents. Les élèves. Oui. Et puis les programmes. Donc les programmes. On ne peut pas déroger du programme. Ouais. À l'époque, on pouvait un peu, mais alors aujourd'hui, on ne peut plus du tout. Et moi, ce que j'aime, en fait, avant la lettre, dans ma classe, c'était un peu déjà le cercle des poètes disparus. Ah oui. C'était un joyeux foutoir.

qu'on est, on est très très très imparfait. Et avec le sentiment qu'on l'a peut-être eu avant, ou qu'on pourrait l'avoir, ou qu'il est là pour, virtuellement, potentiellement. C'est peut-être pas un membre, je ne sais pas. C'est peut-être les capacités du cognitives, les capacités du cerveau ou sensoriel. Je sais pas. Un membre fantôme. Un troisième œil. Un troisième œil, le cyclope. Si ta main câline caressait ma joue, je sais, j'imagine, et vous. Si quelques mots bleus faisaient le printemps, ce serait un jeu d'enfant. De chanter la vie, l'amour dans la nuit, ce monde rêvé. Écrire des vers, le cœur à l'envers, ça je n'en ai pas le goût. Si tes yeux candides se posaient sur moi, comme tout est vide sans toi. Si j'avais ma tête et pas ce caillou, mais ce serait bête. D'écrire un poème ou mille je t'aime, jouerai sans dessus, dessous. Ce n'est pas la lune qui boude ma plume, c'est ma gorge qui se noue. Pourquoi c'est moi non? Pour qui c'est Lila? Ce soleil dans l'eau, à quoi bon tout ça? Le vent, les roseaux, tout parle de toi. Pourquoi c'est moi non? Si tu n'es plus là, si un jour léger dorait tes cheveux, je peux bien rêver un peu. Si ton cœur tranquille tenait debout, ce serait facile comme tout. Je dirais la mer, l'âme et la lumière, le ciel où la vie s'en va. Mais ces mots paisibles me sont impossibles, vraiment l'envie n'y est pas. Pourquoi c'est moi non? Pour qui c'est Lila? Ce soleil dans l'eau, à quoi bon tout ça? Le vent, les roseaux, tout parle de toi. Pourquoi c'est moi non? Si tu n'es plus là, si ta main câline caressait ma joue, je sais, j'imagine. Et vous, si quelques mots bleus faisaient le printemps, ce serait un jeu d'enfant. Ce serait un jeu d'enfant. Ce serait un jeu d'enfant. Chers amis, si... si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.